Et tout de suite, on peut écouter. Ah, je vois Doris qui lève la main. Je viens de me souvenir de quoi ça va parler. Alors, je crois qu'on va parler aujourd'hui, enfin, je vais parler aujourd'hui avec Vincent de son concert qu'il a fait à la salle en haut. Super, et bah, découvrons tout de suite. Bonjour Vincent. Bonjour Doris. En plus d'être libraire, tu fais aussi de la musique. Et alors, mercredi soir, tu as fait un concert dans l'Acousmonium. Ouais, c'est ça. J'ai fait un concert qui était une commande du Festival Archipel. Ma Marie-Janson m'a demandé si j'avais pas une pièce à diffuser dans l'Acousmonium, qui est donc un orchestre d'haut-parleurs. Je sais pas combien il y a d'haut-parleurs, je sais toujours pas le nombre. Je devrais savoir cette information. Mais voilà, c'était une pièce de 30 minutes que j'ai un peu presque entièrement composée avec l'idée de la diffuser dans l'Acousmonium. Tu as commencé par des morceaux et puis par une de tes propres œuvres. Ouais, alors en première partie, il y avait une sélection de trois pièces de trois compositeurs et compositrices, plutôt des années 70. Et c'était une sélection que j'ai faite un peu en regard de ma pièce, pour que ça sonne un petit peu bien avec ma pièce. Et c'est assez compliqué parce que ma pièce, elle n'était pas très forte, avec un volume, pas très impressionnante en termes de... Il n'y a pas beaucoup de basses, il n'y a pas beaucoup d'aigus, c'était une pièce un peu réduite, comme ça, au niveau du spectre. Et il fallait que les premières pièces que j'ai sélectionnées ne soient pas trop impressionnantes non plus, sinon la mienne derrière, elle sonnait toute minable. Alors, quelles sont les œuvres que tu as choisies? Est-ce qu'elles t'ont inspiré? Alors, ouais, les œuvres que j'ai sélectionnées, c'était donc une pièce d'un compositeur australien qui s'appelle Warren Burt, qui est très peu connu, mais qui est un personnage assez intéressant, qui a une longue carrière aux États-Unis, qui a travaillé avec plein de gens intéressants. La deuxième pièce, c'était une pièce d'une poétesse sonore néerlandaise qui s'appelle Greta Monac. Et c'était une voix comme ça qui apparaissait au loin. Je ne sais pas si tu te souviens. Et la dernière, c'était une pièce de Ishi Yanagi, qui est un compositeur plutôt de musique contemporaine, instrumentale, mais il a fait beaucoup de musique électronique aussi, qui était japonais. Alors, est-ce que tu as été influencé pour ton œuvre? Ouais, d'une certaine manière, j'avais un peu une idée des sons que je cherchais à produire. Et quelque chose en tout cas qui me stimulait énormément, c'était déjà de produire des sons électroniques qui ressemblent à des sons acoustiques. Et en fait, il y a beaucoup de gens après le concert qui m'ont dit « Ah, mais tu as utilisé des bols tibétains ou des verres sur lesquels tu peux faire sonner comme ça avec des sons très purs ». Et ça, c'est quelque chose qui m'enthousiasmait beaucoup, de faire un truc qui est un peu ambigu au niveau. On ne sait pas si c'est des choses enregistrées, des instruments enregistrés ou si c'est de l'électronique. Et alors ça, il y a une grande tradition dans la musique électronique qui fait ça. Et ce qui est marrant, c'est aussi qu'en écoutant ma pièce, j'ai réalisé que... En fait, la base un peu de la pièce, ça ressemble un peu à de la musique chorale ancienne, enfin des chœurs de voix, comme un peu au Moyen-Âge ou un peu plus tardif, et notamment des choses un peu religieuses de la musique sacrée. Et ça, c'est, je pense, qui était une influence un peu derrière la tête, que je reconnais. Et puis après le concert, un ami m'a dit, ah, c'est marrant, ça ressemblait à Arvo Pärt, qui est un compositeur estonien. Et j'avais pas du tout pensé à ça, mais je me suis dit, ah bon, c'est vrai que c'est un peu, quelque part, il y a un peu de ça, ouais. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu de ta propre pièce? Alors, ma propre pièce, c'était une pièce que j'ai... les sons que j'ai utilisés, c'est un long enregistrement que j'ai fait une fois un peu par hasard. Je voulais juste essayer brancher deux, trois trucs pour voir si j'avais une idée d'un système possible où il y avait un magnétophone, donc un gros enregistreur et lecteur à bandes, avec des bandes magnétiques. Et j'avais, c'est une machine qui s'appelle un vocodeur. C'est quelque chose que tu entends beaucoup dans la pop et dans la musique électronique, plutôt pop. Et j'avais aussi des grosses machines qui font des oscillateurs qui créent juste des notes comme ça. Et en fait, je m'étais dit, ah, mais qu'est-ce que ça ferait de tout brancher les uns dans les autres, qu'un truc aille dans l'un, que l'autre revienne et tout ça. Et en fait, quand j'ai fait le truc, ça, c'était super bien tout de suite. Donc du coup, j'ai branché dans mon ordinateur, j'ai fait enregistrer. Et ça a enregistré une longue session comme ça de 50 minutes, je crois. Et après, je l'ai coupé, j'ai mis des bouts, j'ai un peu remonté le tout. Mais en fait, j'ai assez peu touché le premier enregistrement. Et j'avais quand même quelques idées comme ça, une direction un peu de comment composer. Et toute la fin, je l'ai composé aussi en mémoire d'un ami qui est décédé récemment et qui était très important pour moi dans mon éducation musicale. Et en fait, la fin, je l'ai un peu pensée vraiment comme un hommage un peu à des choses que lui, il aimait et que nous, on aimait en commun. Donc cette fin, elle était un peu plus très mélodique comme ça, avec des accords et des longs sons tenus. C'était pendant ta pièce, c'était plus des longs sons. Alors tu as fait ça avec que des machines? C'est 100% électronique, ouais. Le seul truc qui n'est pas électronique, c'était sur les bandes magnétiques, il y avait des bribes de voix, de ma voix, et qui excitaient le vocodeur, qui créaient un peu des moments où il y avait des sons qui apparaissaient un peu fort, comme ça, qui ressemblaient un peu à des échos de voix humaine, mais qui sont de toute façon traités par le vocodeur. Donc on peut dire que ce qui est sur la pièce, c'est absolument à 100% totalement électronique. Et avec un matériel très réduit, en fait, c'est vraiment un tout petit dispositif. Mais c'est long. Ce qui était long à faire, c'était faire des choix, en fait, dans le long enregistrement de 50 minutes. Et aussi trouver un rythme qui fonctionne bien pendant 30 minutes, où c'est suffisamment long pour qu'on ait le temps de rentrer dedans et qu'il n'y ait pas... je ne voulais pas faire quelque chose avec trop d'événements et qu'il soit trop... trop sensationnel au niveau du déroulement et de la narration, mais en même temps je voulais quand même aussi créer quelque chose d'intéressant où on se dit pas, ah non, alors là ça traîne depuis, ça fait 10 minutes qu'il est sur le même truc, donc il fallait trouver un peu des petits détails pour rendre le déroulé de la pièce toujours un peu stimulante mais en même temps très, très statique. Et c'était aussi ma volonté de faire quelque chose qui bouge pas trop, en fait, qui du début à la fin soit assez minimal et un peu un long cheminement comme ça et qui finit un peu comme ça a commencé, quoi. J'ai trouvé que ton œuvre était tout de même très différente que l'écoute que tu avais fait le jour d'avant dans la Cousmonium. Ah, c'est juste, ouais, c'est juste. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a un peu ce paradoxe où j'adore la musique expérimentale, j'adore les choses un peu... à l'image de ce que je fais, moi, ce que je produis. Mais en réalité, ce que j'écoute à la maison, c'est rarement ces musiques-là, en fait. Enfin, même si c'est des musiques que j'aime bien les écouter dans un festival, par exemple. J'adore les écouter dans l'Acousmonium. Je trouve que c'est vraiment des expériences incroyables. Mais à la maison, quand j'arrive à la maison, j'écoute très volontiers de la musique, disons, plus directement facile à écouter. J'écoute beaucoup de musique ancienne, de la musique du XXe siècle, beaucoup de musiques qui ne sont pas européennes. Des musiques un peu de partout, d'Asie, des pays de l'Est, comme j'ai diffusé l'autre jour. Et beaucoup de pop, beaucoup de musique très, très commerciale. Est-ce que tu as fait toute ton œuvre chez toi ou tu as un studio? Alors ouais, j'ai un studio. J'ai un studio, mais c'est assez réduit. J'ai pas un gros studio comme des gens ont plein de matériel qui s'accumule. Moi, j'ai vraiment une table, deux enceintes, un ordinateur. Et puis après, j'ai un espèce de meuble dans lequel il y a un peu du matériel. Et quand je décide de faire une pièce, je sors tout. Et alors du coup, mon studio, ça devient une espèce de gros foutoir avec des câbles partout au sol, des trucs sur les tables, sur le machin, sur l'ordinateur, je sais plus quoi et quoi. Je dois tirer dans tous les sens, il y a des choses qui tombent par terre et tout. C'est un peu le chaos, mais j'ai pas un endroit attitré, tu sais, où tu rentres, il y a tout qui est déjà branché et puis tu peux faire juste play et ça marche. Merci Vincent. Merci Doris. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien.